Quoi? Votre malade serait mon père? Dit Célestine. Demeure-t-il rue Barbet de Jouy? C'est bien cela, répondit Bianchon. Et la maladie est mortelle? Répéta Victorin épouvanté. Je vais chez mon père, s'écria Célestine en se levant. Je vous le défends bien positivement, madame, répondit tranquillement Bianchon. Cette maladie est contagieuse. Vous y allez bien, monsieur, répliqua la jeune femme. Croyez-vous que les devoirs de la fille ne soient pas supérieurs à ceux du médecin? Madame, un médecin sait comment se préserver de la contagion, et l'irréflexion de votre dévouement me prouve que vous ne pourriez pas avoir ma prudence. Célestine se leva, retourna chez elle, où elle s'habilla pour sortir. Monsieur, dit Victorin à Bianchon, espérez-vous sauver monsieur et madame Crevel? Je l'espère sans le croire, répondit Bianchon. Le fait est inexplicable pour moi. Cette maladie est une maladie propre aux nègres et aux peuplades américaines, dont le système cutané diffère de celui des races blanches. Or, je ne peux établir aucune communication entre les noirs, les cuivrés, les métis et monsieur ou madame Crevel. C'est d'ailleurs une maladie fort belle pour nous. Elle est affreuse pour tout le monde. La pauvre créature, qui, dit-on, était jolie, est bien punie par où elle a péché, car elle est aujourd'hui d'une ignoble laideur, si toutefois elle est quelque chose. Ses dents et ses cheveux tombent, elle a l'aspect des lépreux. Elle se fait horreur à elle-même. Ses mains, épouvantables à voir, sont enflées et couvertes de pustules verdâtres. Les ongles déchaussés restent dans les plaies qu'elle gratte. Enfin, toutes les extrémités se détruisent dans la sanie qui les ronge.